Le parti progressiste du peuple du Nigeria a choisi le général Kim Jong-il pour son dirigeant national d'honneur. Il y a eu le 7 décembre à Abuja la cérémonie de remise du certificat de dirigeant d'honneur. Y ont pris part le président national du parti progressiste du peuple du Nigeria, Damien Ogbonna, co-président du comité préparatoire international pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017, les membres de la direction du parti, l'ambassadeur coréen au Nigeria Chun Yong-chol et ses collaborateurs. Les participants ont déposé des bouquets de fleurs devant la photo du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il se trouvant ensemble avant de rendre hommage. Le président national du parti, Damien Ogbonna, a remis le certificat à l'ambassadeur coréen Chun Yong-chol. À la cérémonie, les participants ont adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.